franceinter.fr. À votre écoute, coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana, in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Bonjour Jocelyne à Tourangelle. Et oui, Tours, magnifique cité qui vit entrer dans un couvent d'Ursuline Marie Guillard, dite Marie la Bienheureuse, en 1631. Bien jolie histoire. Alors, peut-on dire Jocelyne la Bienheureuse ou Jocelyne la Malheureuse ? Écoutez, j'ai 38 ans, je suis la maman heureuse de 30 enfants, deux garçons et une fille. Et mon fils cadet, Valentin, me pose des problèmes assez conséquents en cours, surtout en maths. Il déteste au collège, il m'a fait plusieurs rhumes à répétition. Oui, comme par hasard. Et depuis la rentrée, puis donc il a manqué beaucoup de cours, surtout en maths. Bon, alors c'est Jocelyne la perplexe. Oui, apparemment. On a eu beau le mettre en cours de rattrapage les deux mois de l'été dernier. Ça fait quand même un an qu'il n'a pas eu de vacances. Mmh. Et ben malgré ça, il n'arrive toujours pas à se mettre au travail. Il a un poil dans la main, quoi. L'autre soir, on le ramenait de l'étude parce qu'on n'aime pas qu'il traîne. Mmh. Et on voit des éboueurs dans la rue et mon mari lui a dit « Si tu travailles pas, ça sera ça ton métier. Ramasser les ordures de tes copains de classe qui auront eu leur bac. » Ouais. Et ben, il lui a répondu « J'en ai rien. » Comment ? J'en ai rien. Ah oui, d'accord. Et votre mari, il a pris ça comment ? Oh ben mal, il supporte pas qu'on lui réponde. Il a tapé. Ah bon ? Enfin, taper, il a bien giflé, quoi. Ah. Ouais, mais alors attention, Jocelyne, si vous avez la gifle... Oui, je sais, pareil, c'est pas très bon pour les enfants. Oui, non, mais surtout, je crois que ça devient un peu interdit. Hein. Non, mais il a attendu d'être à la maison. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Valentin et Jocelyne la désemparer contre cette phobie des maths ? Oui, parce qu'en plus, on a décidé de lui faire donner des cours deux fois par semaine par mon beau-frère, frère de mon mari... Enfin, c'est son demi-frère, et d'un premier lit du côté de sa maman, de ma belle-mère. Donc, en fait, c'était mon demi-beau-frère. Mm-hmm. Mais moi, je dis toujours mon beau demi-frère parce qu'il est beau. D'accord. Bon, alors Alors, comme le reste, il y va reculons. On est obligé d'utiliser la force pour l'amener chez Bruno. C'est le nom de mon demi-beau-frère. Enfin, parce que Valentin, il hurle, hein. Oui, c'est une véritable phobie. Oui, alors, oui, c'est ça. Oui, il veut tellement pas y aller qu'il commence à trouver des excuses de plus en plus farfelues et puis même embarrassantes, quoi. Hein, comme ? Plusieurs fois, il a dit que son demi-oncle, il faisait dans le pantalon. Carrément. Eh ben, en tout cas, il manque pas d'imagination. Il doit être bon en rédaction. Non, même pas. Mais alors. Jocelyne, là, on part dans tous les sens. Jocelyne l'a dispersé sur le problème de Valentin, la phobie des maths. Depuis qu'il suit les cours de ce beau demi-tonton, a-t-il fait des progrès ? Ah bah oui, nettement, il est passé de 6 de moyenne à quasiment 12. Ah voilà. Oui, mais ça, même s'il peut pour y aller. Oui, il faut croire que demi-tonton doit bien s'y prendre. Oui, enfin, je suis un petit peu mal à l'aise quand même, parce que si mon fils disait la vérité, je sais pas. À propos de... À propos des attouchements. Ah, oui, mais vous le connaissez bien, ce tonton Bruno. Bruno, oui. Vous avez une totale confiance en lui? Ah, oui. Bon, et Valentin vous a déjà menti par le passé? Bah, il a 12 ans, forcément. Non, pas forcément. Non, tous les enfants de 12 ans ne mentent pas. Hein. Est-ce que Valentin est prognate? Un peu, oui. Ouais, d'accord. Donc, il y a quand même une petite tendance à la fabulation. Oh, non, mais des bêtises. Hein. Une fois, il avait 5 ans, il avait dévoré tout un pot de Nutella. La pâte à tartiner, oui. Oui, pardon, en plus, je le sais. Il a dit que c'était sa sœur qui avait mangé la pâte à tartiner de Nutella. Ah oui, quand même. Bon, alors, quand bien même Valentin dirait la vérité sur ses soi-disant attouchements, de toute façon, c'est pas avec lui que vous allez en parler. Oh ben non. Bon, alors voilà, si vous alliez voir beau demi-tonton, vous lui disiez « Bruno, regarde-moi droit dans les yeux et jure-moi que tu n'as pas eu de geste déplacé envers Valentin ». Oh, mais là, ça, je ne peux pas. Je vais le mettre mal à l'aise. Mais Jocelyne, oui, mais Jocelyne, quand Bruno vous jurera qu'il n'a rien fait, bah, vous serez soulagée, vous vous excuserez auprès de lui et vous ferez un gros bisou. Oui. Et je pense qu'il est très important qu'à la suite de cette histoire, Valentin prenne ses responsabilités de jeune adulte et présente ses excuses à son père pour avoir mis en doute l'intégrité de son demi-tonton. Voilà, et surtout Jocelyne, et ça c'est la psychothérapeute qui vous parle, une fois cette affaire réglée, faites comme les enfants, utilisez l'ardoise magique, on efface tout et on recommence. D'accord, d'accord. Alors Jocelyne a rassuré, j'espère. Oh ben oui là, merci à tous les deux. De rien, au revoir Jocelyne. Au revoir Jocelyne. Ah là là, on ne peut empêcher le chien d'aboyer, ni le menteur de mentir, nous rappelle ce joli proverbe français. En tout cas, il faut souhaiter du courage à Jocelyne et à son mari. Bon, nous allons méditer sur ces captivantes paroles, Philippe, et cette émission s'achève gentiment. Au revoir. Au revoir, Margaret. Et cette émission était mise en onde par Yann Chouquet. Au revoir à tous. Au revoir.